私たちは音楽メーカーです。そして私たちは夢の演奏家です。 ラジオプルスター Bonsoir, audionautes. Bienvenue, arpenteurs des émotions sonores, vagabonds des fréquences modulées. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission diffusée tous les jeudis à 23h sur les 95,9 MHz de Radio Pulsar et en mondiaux streaming sur radio-pulsar.org. Je suis votre narrateur pour les 60 prochaines minutes. Nous sommes les faiseurs de musique. Et nous sommes les faiseurs de rêves. Si vous le voulez bien, je vous propose, tel des particules d'Alice, de traverser le miroir du son et de m'accompagner de l'autre côté, dans une autre dimension, au cœur d'une galaxie de synapses, quelque part dans mon univers cérébral. Là, dans un nœud neuronal, il existe une ville-monde. Tokyo. Pas la Tokyo, capitale de l'Est du pays où le soleil prend sa source. Pas l'hypercité à 13 heures d'avion de Paris, non. Ma Tokyo est une manifestation de pure imagination. Elle n'a ni coordonnées géographiques, ni limites physiques. Ma Tokyo est un univers total. À la fois ancienne et futuriste. À la fois spirituelle et technologique. Ma Tokyo est faite de sons. Son générateur d'images, son générateur d'émotions, de ces émotions liées à l'enfance et au paradis perdu. Quand le voile qui sépare le rêve de l'éveil se referme, au moment où on s'ouvre les yeux sur la réalité, ce moment précis où naissent les regrets. L'image d'une ville fantasmée où marchent à ciel ouvert des êtres fantastiques et mythologiques. Dieux et démons, cyborgs et ginoïdes. Guerriers surpuissants, sorcières et filles magiciennes, robots et extraterrestres géants, monstres préhistoriques cracheurs de feu nucléaire, pirates de l'espace avides de musique et de liberté, trains sillonnant la voie lactée, princesses galactiques, intelligence artificielle consciente et objets dotés d'une âme. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers Tokyo mental. Tokyo mental. You're running on, you're fixing for men. You pour hot water in. 勇気に溶けて私は夜明けに消えてもう二度と交わらないのならそれが運命だねあなたは明かり灯して私は光求めて怖くはない失うものなどない最初から何も持ってないそれじゃまたね少年の瞳は汚れ腰の鐘は鳴り響けども聞こえないそれじゃまるで全部終わったみたいだね大間違い先は長い忘れないから全て忘れて帰ろうああ全て流して帰ろう飛ばそう爽やかな風と風も優しく降る雨と帰ろう憎み合いの果てに何が生まれるの私が先に忘れよう弱音を吐いて私は未練こぼして最後くらい神様でいさせてだってこれじゃ人間だ私のいない世界を少し背中が軽くなったそれじゃまたね国土沿い前で別れ続く街の喧騒尻目に一人行くくださいばっかで何もあげられなかったね生きてきた意味なんかわからないまま全て与えて帰る帰ろう与えられるものこそ与えられたものありがとうって胸を張ろう待ってるからさもう帰ろう幸せ絶える場所帰ろう去り際の時に何が持ってくるの一つ一つにもつって放そう憎み合いの果てに何が生まれるの私が先に忘れようこの今日からどう生きてこう 作ったことないけど ソングなんて作ったことないけど。 僕のすべてを溶かし Radio Pulsar. Yo, ベッドとデスクを往復する。きっと彼女ももう俺に嫌気がさしてる。OK OK、二度マインドセット落ちてることに酔いしれてるわけじゃないんだぜ。せっかく掴んだと思っちゃ消えた。同情なんてされたくねえ。ごめんとつぶやいてパワーのオフに。俺は見上げていたネタ。グリーンイッチビレッジのジャズバーでのブルークリーンラガー、ライト現実はビター、心の平穏について考える。俺には幸せなことすらブルーブ、あの弁護士とのやりとりみたいな、ストレスフリー、丁寧で。俺は born to be good、 いつか見せてくれたシャウェンのフォトグラフの方みたいに。 を下を向くペン各ライマー上イエローテープで仕切られたバリケードそれ以上入り込めないこのイメージレッドカーペットバックレール二人歩いてく海の境目考えるべき問題が他にあるんだ当てのないマインドが街を歩いていく夜は平等に俺にも優しい歌うこともまた安いこのオフビートヘロインはやらないがチェットベイカー俺は一つをほぐして舐めたペイペイペイブードゥーみたいに怪しげな気分で東京のゾンビーズがまた蘇るシスペザー I'm room room of fog is out of me ヘロヘロ feel feel yes fuck fuck you, you. キルゾーンに踏み込んでるわよ。 only do your best. Picnic even feels so good. Sutteki na afternoon. I promise I love you. Each day I'll smile for you. 君だけにはもう Hey, so 頑張らなくちゃ Compilation おそろいの T シャツ Hey! 手編みのマフラーと 私たちは夢の未曽有です。 Terrier du lapin blanc, au royaume de Morphée, il n'y a qu'un pas. Bonne nuit les audionautes. Bonne nuit les vagabonds des limbes. Oyasumi, ailleurs le soleil se lève déjà. Tokyo, la ville qui ne dort jamais, est déjà toute bruyante de son humanité affairée. Royo Tokyo. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain à 23h. Et votre narrateur pour les 60 dernières minutes. Nous sommes les faiseurs de musique. Et nous sommes les faiseurs du rêve. ラジオプルーサー。